cherchais de l'aide, un moyen d'avoir une Néandertal pour pouvoir m'acheter un Coca-Cola. On m'a volé mon argent, on m'a mis par terre de force dans un parking. C'est effroyable ce qui se passe ici à Bruxelles. Est-ce que vous avez l'âge de 2025 ans pour casser deux fois les côtes d'une personne, s'il vous plaît? Je peux vous poser une question? Si je n'arrive pas à signer ce dossier, je vais me plaindre à la police. Moi, on vient de me casser les côtes là maintenant. Je ne sais même pas qui c'est. Si j'aperçois encore une personne, je porte l'âme pendant que je vais tout ça me calmer. Eh bien, même s'il ne faut pas exister, moi je continue à me calmer. Et lui, il n'y a personne qui peut détruire. S'il vous plaît, pouvez-vous m'acheter quelque chose à boire? Moi, je n'ai pas de papier, je reviens depuis 12 jours de la colonie X. Pour quelle raison? J'ai tellement peur que les gens, ils ont un oubli. Je n'ai pas de compte en banque. Ça fait tellement peur de tomber, de voir tous ces gens qui sont là, qui les enlèvent. Je n'ose plus me présenter avec l'assurance que j'ai. Il y a une raison que je puisse avoir de l'argent 3 fois par jour. Donc, une inflation. J'ai besoin d'une assurance psychologique. Partie civile, un parapsychologue, un petit peu d'argent de poche. Ça fait peur, vous savez. Il n'y a que la religion qui n'a pas été soumise. Chawan, je n'en peux plus. Je dois partir. J'ai peur. 179 cm. Par pitié. J'ai besoin que les gens arrêtent. En fait, on a. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a Chawan. Comment la casquette, c'est la maladie du pigeon et puis on a le virus. C'est ça. Est-ce que pour y m'acheter un coca ou j'ai un petit peu d'argent de poche? Heureusement, je n'ai jamais présenté les gens. Je suis arrivé depuis 12 jours. Fantastique. Thank you.